amour. Quand tu me prends, tu me mets aux anges. Jean-Paul et Combolo, papa n'a Jennifer, n'a Chris Lee. Kotika naite, nokina ya foka chwapo. Mote manda kai loren le toni na mawa. Jean-Paul o salina, basina mote ma. La vina na mori ma ya mo anomemi. Ya lolo ya mela na wayone bo. Mokonzite yo na ofida. Yves et Combolo a tindeli yon bote, hein. Ya solo patio salema se po ya bato. Bangombe baloba, yo bote oje moto. Basi ya lolango e poni ma isimi. Na moni kakalelo yo na mi boma. Et Combolo, oh l'amour, tu es dangereux. Comme un virus, tu as détruit mon cœur. Mes amis, méfions-nous de l'amour. Quand il nous prend dans un petit jeu troublant, il nous apporte d'abord la joie, mais après survient le chagrin. Patrick et Combolo, Jacques et Combolo, Yoka Kolela et Rai Lorraine. Y'a solo passé salema, c'est pour y'a bato. Bangombe baloba, yo gote oje moto. Basi y'a l'olango et poni na ilorraine. Na monika kalelo yo na misasa e kombolo. Papa Issa, grand spirit. Mandang et Moussa premier, Roger Waplay. Je suis un mendiant d'amour. Jean-Paul na sendi bolingo. Pesa ma se mote manayo. Faropa, erente mucho. Damien Cosmalo. Iserta Nene. Jackie Porto Rica. Avida Abavio. Balabala, hein?